Chapitre 31e. Richesse et misère. Sourire à l'avenir, Rirette put à quelques jours de là s'imaginer un instant que cela était possible. Dans la chambre de la malade, sur une petite table pliante, Marie Labossu, devant le lit de la mère, avait dressé le couvert. Couvert bien simple, qui se composait seulement d'une serviette servant de nappe, de deux assiettes, de verre et une carafe d'eau fraîche. Quant au plat qui composait le dîner, l'ingéniosité de la Bossu y pourvoyait. Marie baptisait de noms pompeux, lus sur les pancartes affichées aux devantures des restaurants du voisinage, certains plats de sa composition que des légumes seuls, et rarement des abattis au rabais, composaient. Or, ce soir-là, sur une assiette appelée triomphalement plat, se trouvait découpé, orné de cresson, un poulet. Riri eut un cri de stupéfaction absolue. « Qu'est-ce que c'est? On dirait du poulet. C'est un poulet ?»« Oui, oui !» s'écria la Bossu en riant des grands yeux étonnés de Riri. « Oui, c'est un poulet. Un poulet, un vrai ?»« Un vrai, à deux pattes, deux ailes, et une carcasse entière pleine de blanc. » Riri tombait des nues. Elle regardait ce poulet sans arriver à comprendre comment ce volatile avait pu pénétrer chez elle, et leur faire cette gracieuseté de s'offrir ainsi bien doré, tout découpé sur leur table. Par quel miracle ?« Regarde encore, » dit la Bossu, « regarde, ma Rirette. » Et elle mit sur la table une autre assiette, également appelée plat, qui contenait un objet dont la vue arracha à Riri un nouveau cri de joyeuse stupéfaction. « Un pâté !» Elle joignit les mains, se renversa sur le dossier de sa chaise et demeura là, regardant tour à tour sa mère qui souriait, Marie qui triomphait et le pâté qui resplendissait. « Un pâté, en vrai aussi, en vrai avec croûte et dedans des choses exquises. » Quand elle put reprendre sa respiration, un moment suspendu par la surprise, elle s'écria « D'où vient ce phénomène? Expliquez-moi. »« C'est Fernand, notre bon ami Fernand, » dit l'infirme, « qui nous a envoyé tout cela. »« Comment, Fernand ?»« Il paraît, » dit la Bossu, « qu'à son usine, ils ont fait une loterie, et il a gagné de poulets et de pâtés. Quelle chance !» Comme il prétend que cela ferait double emploi chez lui, il nous en a donné la moitié, parce que le poulet demande à être mangé frais, et le pâté ne peut attendre pour être bon. Bon Fernand, excellent pâté, magnifique poulet! La Bossu continua. J'ai réservé pour maman les blancs et nous avons le reste. Il y a de quoi festoyer pendant une semaine. Riri, joyeuse, naïvement gourmande, mordit à belles dents dans une tranche de pâté qu'elle déclara savoureux, exquis, et partagea avec sa sœur une aile de poulet qui ne le cédait en rien au pâté. Tout cela était vraiment trop bon pour que Rirette ne crût pas absolument à ce que lui disait sa sœur et perdit son temps à rechercher la véritable origine de cette surprise. En vérité, la moitié de ce qu'on lui disait était vrai. D'ailleurs, la mère et la sœur n'en savaient pas davantage. Voici ce qui s'était passé. Le docteur Robert, pour apporter un peu de bien-être dans cette maison, avait imaginé cette fable de la loterie. N'osant monter lui-même tout cela chez ses malades, il était allé trouver Fernand et l'avait chargé de la commission en donnant pour faire accepter l'envoi, sans froisser la susceptibilité de la mère et des jeunes filles, le prétexte que l'on sait. Le stratagème avait parfaitement réussi. Un peu de joie était entrée dans cette maison où régnait la tristesse. Cependant, le docteur Robert, de son côté, enchanté, ne voulait pas s'en tenir là. Il pensait, non sans raison, que la gêne devait être beaucoup plus grande dans ce pauvre logis que celle qu'on lui laissait apercevoir. Il savait quelle importance prenait chez les pauvres gens la question du loyer, et il se demandait si Madame Ménardier et ses fillettes n'avaient pas de ce côté également de gros ennuis. Délicatement, il questionna Fernand. Fernand ne lui cacha point que, sans rien savoir de précis, car la Bossu et Riri, très fiers, ne disaient jamais rien de leur peine, il supposait qu'elles étaient en retard dans le paiement de leur quittance. « Eh bien, mon bon Fernand, » dit le docteur, « voici ce que vous allez faire. Vous allez dire à Mademoiselle Marie et à Mademoiselle Riri que, pour une raison quelconque, qu'il vous sera facile de trouver, vous avez un peu d'argent d'avance, dont vous n'avez pas besoin et que vous le leur prêtez. » L'ouvrier secoua la tête. « Mauvais moyen, jamais elles ne me croiront. Pourquoi ? Elles savent trop bien que chez nous, les ouvriers, nous avons juste le nécessaire. » Que quand on a des enfants, on n'a jamais d'argent en trop, et que ces bonnes fortunes qui vous tombent du ciel glissent sur les toits des pauvres gens, ça ne prendrait pas. Cependant, oui, l'histoire du poulet, du pâté, ça marchait, mais le coût de l'argent en trop, c'est moins facile à avaler. Alors, comment faire? Il y a peut-être un moyen. Voyons. M. Paul, qui est un peu leur parent, en qui elles ont grande confiance. Je crois qu'il voudrait épouser Riri. Ah ! Fit le docteur. Il voudrait épouser Riri. Qui est ce M. Paul ? Un artiste de beaucoup de talent qui fait de la sculpture, des statues. Comment pouvons-nous par lui ? Voilà. Supposez que cet argent que vous me confiez pour Mme Ménardier, vous le donniez à M. Paul. C'est-à-dire que vous achetiez une statue à M. Paul. Celui-ci, ayant de l'argent, s'empressera de venir en aide à ses parentes, qu'il aime beaucoup, à Riri, dont il est très amoureux. Le bon Fernand ne se doutait pas, en disant cela très simplement, quelle peine il causait au docteur. Il ne voyait pas qu'il ouvrait dans son cœur une plaie, et qu'en insistant il la rendait plus douloureuse encore. C'est peut-être le moyen, parvint cependant à dire le docteur Robert. Vous avez raison, oui, c'est ce qu'il faut faire pour sortir de peine, nos amis. Quelle somme, pensez-vous, qui soit nécessaire ? Je ne sais pas au juste, vous comprenez, mais comme Paul lui aussi est très gêné, pour que tout le monde y trouve son compte, peut-être bien qu'avec un billet de 1 000 francs, c'est trop. Le docteur répondit non, demain je vous remettrai 2 000 francs. 2 000 francs ? Dont vous ferez l'usage que bon vous semblera. Mais la statue, vous déciderez à votre gré. Vous direz que c'est pour un amateur qui tient à garder l'anonymat et vous la ferez porter où je vous dirai. Pourquoi ne pas la choisir vous-même, docteur ? Moi ? Mais mon ami, il ne faut pas que je paraisse. Si cet artiste savait que c'est le docteur, tout se découvrirait. Très juste. Non seulement il ne faut pas qu'il sache mon nom, mais moi je ne veux même pas le connaître. J'ai compris, docteur, j'ai compris. Nous ferons pour le mieux. Le docteur, en se retirant, se disait douloureusement. Ainsi, à chaque pas, j'ai ma souffrance. Et chaque fois que je fais le bien, je suis atteint par une douleur. Si je n'avais pas voulu encore venir en aide de cette façon à ces pauvres gens, je n'aurais pas appris l'amour de ce sculpteur pour Riri. Je connaissais déjà l'existence de cet artiste, de ce parent. Mais je ne savais rien de ce roman de Riri, ni de son amour pour ce parent. Le docteur Robert se demanda, « L'aime-t-elle comme il l'aime ? Ont-ils échangé quelques paroles d'amour, un serment ? Se sont-ils fiancés l'un à l'autre ? Attendent-ils une éclaircie dans leur misère pour affirmer leur bonheur ?» Malgré cette anxiété nouvelle, le docteur Robert, sans rien laisser paraître de sa peine, vint donner aussi généreusement, avec autant d'affabilité, ses soins à la mère de Riri que Paul aimait. De Riri qui peut-être aimait Paul et que lui, Robert, adorait. De Riri la jolie que Raoul aimait aussi. À quelques jours de là, comme il venait demander à son complice Fernand des nouvelles de leur combinaison, il fut tout étonné d'apprendre que sa bonne intention demeurait sans effet possible. « Pourquoi ? » demanda-t-il anxieux. « Paul refuse ?»« Oh non ! Lui, il a vendu avec joie une statue qui est d'ailleurs superbe, très jolie, vous verrez. Alors ?» Alors, quand Paul, qui avait mis Mademoiselle Marie dans la confidence pour ménager la surprise à Riri, est allé trouver la concierge, on lui a répondu que, par ordre du propriétaire, les quittances étaient provisoirement, définitivement pour ainsi dire, retirées. « Oh ! Voilà ce qu'on m'a dit. Le propriétaire est donc un brave homme. Je ne sais pas. Mais ça nous a étonnés tous. Cependant, s'il a retiré ses quittances, c'est qu'il a l'intention de venir en aide de cette façon à ses locataires nécessiteuses. Sans doute. D'ailleurs, il avait déjà ordonné que depuis 3 quittances, on laissât Madame Ménardier tranquille. Comment s'appelle ce propriétaire merveilleux ? Savez-vous son nom ? C'est le baron Vancambre. Le baron Vancambre, fit Robert. J'en ai entendu parler quelquefois. C'est un banquier, je crois, un financier, dont le nom est très connu en bourse. C'est celui-là, oui, monsieur Robert, et très connu aux courses aussi. Il a une écurie. À l'usine, on en parlait justement. Il a des chevaux qui ne sont pas mauvais. Des camarades qui fréquentent des jockeys, des donneurs de tuyaux, des gens enfin qui s'occupent de courses le connaissent, de vue, bien entendu, et d'entendre parler de lui. C'est un brave homme ? Je ne sais pas. Il paraît qu'il a une femme, la baronne Vancambre, qui prétend être la reine de la mode parisienne. Je crois même que Riri a travaillé pour elle. Ça serait curieux. C'est une grosse femme qui a peut-être été jolie autrefois. On dit aussi, mais ça c'est un camarade qui avait parlé à un cheval du baron et qui n'a pas touché, qui le prétend, que la baronne Vancambre est aussi sentimentale que grosse, et qu'elle se fait dédier des vers par un jeune poète qui a des cheveux longs, qu'elle veut faire entrer à l'Académie française. Le docteur Robert sourit et conclut. dans cette histoire de baron, de poésie, nous ne devons nous occuper que des quittances qui ont été retenues, et puisqu'il en est ainsi, nous n'avons qu'à attendre. » Mais il ajouta, « Cependant, mon brave Fernand, ne nous laissons pas surprendre, ne nous endormons pas. Si là-dessous il y a un traquenard quelconque que nous ne connaissons pas encore, il faudra immédiatement parer le coup. Bien entendu. Vous vous tenez au courant et vous m'avertissez tout de suite. Oui, docteur. Mais maintenant, les 2000 francs. Que le sculpteur les garde. Vous m'apporterez la statue où je vous dirai. Vous êtes bon, monsieur Robert. Bon pour tout le monde. Merci pour mon ami Paul. Ça va le remettre sur pied. » La même pensée était venue à Raoul. Il était lui aussi obsédé par cette idée que dans cette détresse, la mère de Riri ne pouvait payer son loyer. Il savait que les propriétaires de Paris, même les meilleurs, n'aiment pas, souvent ne peuvent pas attendre trop longtemps après leur loyer. Il redoutait une expulsion pour cette malheureuse famille. Quand il s'était décidé à porter la lettre lui-même chez la concierge, il avait remarqué l'écriteau annonçant le logement à louer, et il ne douta pas que ce ne fût celui de Madame Ménardier. Alors il imagina un stratagème. Ne pouvant lui-même exécuter son plan, il en chargea son valet de chambre, en qui, malgré les derniers incidents, il voulait avoir encore confiance. C'était d'ailleurs la seule personne à qui il pouvait confier cette mission. C'était un garçon jeune encore, adroit, intelligent, qui le servait depuis plusieurs mois avec le plus grand dévouement. « Marcelin, lui dit-il, après lui avoir désigné l'impasse Ganneron et indiqué la maison, vous allez louer le logement dont il est question. Vous le louerez à votre nom, bien entendu. Et vous direz à la concierge, en payant 2 termes d'avance, que vous ne pouvez occuper tout de suite ce logement. Par conséquent, elle peut laisser ceux qui l'occupent encore jusqu'au terme prochain, au moins. » « J'ai compris, monsieur. Et au terme prochain, je dirai la même chose. Voilà. Bien. C'est une bonne œuvre que vous voulez faire. Mais surtout évitez, sous quelque prétexte que ce soit, de prononcer mon nom. Bien, monsieur. » Marcelin s'acquitta de la commission, mais il ne se donna pas la peine de pousser jusqu'à l'impasse Ganneron. Il se rendit tout simplement avenue de la Grande Armée, dans un bar fréquenté par les chauffeurs, les mécaniciens. Et là, chose curieuse, il rencontra le chauffeur du comte de la Guérinière. Le lendemain, quand il rendit compte à son maître de la démarche, il lui apprit que l'écriteau était retiré et que depuis plusieurs jours le logement se trouvait loué. Raoul fut fortement contrarié. Mais logiquement, il ne pouvait en concevoir trop grande inquiétude. Puisqu'il avait écrit une fois déjà à Riri, il lui écrirait une seconde fois, et il lui dirait de manière plus explicite certaines choses sur lesquelles il n'avait pas osé insister encore. Il se mettrait plus clairement, plus amicalement à sa disposition. Au besoin, il lui demanderait de lui permettre de se présenter chez sa mère, afin de pouvoir mieux et plus loyalement lui assurer l'aide qu'il lui offrait. D'ailleurs, avec quelques bons billets donnés à cette excellente Madame Thomas, il était sûr non seulement d'être tenu au courant de ce qui se faisait dans la maison pouvant atteindre sa protégée, mais il gardait cette certitude que rien ne serait fait qui lui causerait de la peine. Puis, il espérait pouvoir s'entendre avec le nouveau locataire, arriver à un accommodement quelconque et en fin de compte réaliser son plan. « C'est un brave homme qui a loué, lui dit la concierge, déjà âgé, qui a je ne sais quelle occupation dans la journée et parfois dans la soirée. C'est un ami du gérant. » Ami du gérant, cela devenait un peu plus difficile. Mais Raoul ne possédait-il pas ce qui rend dociles les plus rebelles, ce qui apprivoise les plus farouches? L'argent, le maître, l'argent. Au cercle, le baron Bancambre fut entraîné dans un coin par le comte de la Guérinière, qui le força presque à s'asseoir sur le même canapé à côté de lui. « Mon cher baron, j'ai à vous demander un grand service. Il faut que vous me fassiez un plaisir. » « Mais, mon cher ami, tout à votre disposition. De quoi s'agit-il? Un embarras d'argent? Une épine à tirer du pied? Non, pas de question d'argent, je vous remercie. Quand je dis que vous me rendrez service, c'est parce que vous ferez le plus grand plaisir à une personne qui m'est très chère. Alors doublement. Et qui est aussi de vos amis, Lucette Minois. Oui, la chère belle, oui. Pour elle, comme pour vous, d'ailleurs, tout ce qui lui sera agréable. Je serai enchanté de lui montrer mon amitié. Voici. Nous allons parler chiffon. Bon. Nous nous y entendons quelque peu tous deux, n'est-ce pas? Nous en payons assez pour cela. On fait en ce moment à Lucette, chez Perkins, un amour de costume, paraît-il. Je n'en doute pas. Perkins est le roi des costumiers, à ce que prétend la baronne, qui se fait habiller chez lui. Je sais. Or, il faut que les manches soient cousues par la même main. Et voici que, par un singulier hasard, précisément l'ouvrière qui en est chargée a de gros ennuis à cause de vous, à cause de moi. C'est l'une de vos locataires. Ah, une de mes locataires. Qu'est-ce que vous voulez pour que cette jolie ouvrière qui fait les manches de Lucette ne les manque pas? Du papier neuf, un coup de peinture? Je veux que vous me remettiez les quittances en retard qu'elle vous doit. Le baron sursauta. Dis donc, alors c'est moi qui paye les manchets de Lucette? Pas du tout. Je vous achète ces quittances. Ah, bien. Où demeure cette ouvrière? Impasse Ganneron. Impasse Ganneron, ah oui. Une jeune fille, une bossue, une vieille mère très malade, je sais. J'ai même donné des ordres à mon gérant à cet effet. Le baron Vancambre ajouta « Je veux bien vous céder les quittances en retard, mais puisque vous vous intéressez à elles, tâchez de les engager à les demeurer ailleurs. La mère va bientôt mourir, et vous comprenez, ça déprécie toujours un peu un immeuble, quand cette chose-là arrive. » Le baron donna au comte un mot pour son gérant, et le lendemain, le comte entrait non seulement en possession des quittances, mais du loyer du petit logement. Et il présentait au gérant le locataire qui devait succéder à la famille Ménardier, un brave homme auquel il s'intéressait et qui, au moment voulu, demanderait à emménager et forcerait immédiatement la famille Ménardier à partir. À partir, et se trouvant sans abri, à accepter l'asile que le comte, en bienfaiteur, offrirait alors à Riri. Le comte, ainsi, avait devancé encore une fois les deux frères. Plus hardi, plus habile qu'eux, il était plus prompt dans ses décisions et ne s'attardait pas aux minuties de délicatesse qui arrêtaient parfois Robert et Raoul. Dans cette course à la conquête de la jolie Riri, il prenait une avance considérable. Restait à savoir si vraiment cela lui serait profitable et si par ce moyen il tiendrait Rirette comme il l'espérait, comme il l'y comptait absolument. Le tout n'était pas de faire jeter hors de ce taudis Riri sa sœur et sa mère mourante. Il fallait encore que Riri acceptât dans son affolement, dans sa détresse, l'hospitalité que le comte si amoureux songeait à lui offrir. Sur ce point, Riri seul pouvait dire sa volonté. Cependant, se dit le comte de la Guérinière, il faut absolument que Riri soit à moi. Ce serait trop bête de ma part de laisser tout ce trésor, oui, toutes ces richesses au Montreuil. Le comte de la Guérinière, qui n'avait pas l'habitude de perdre son temps en bagatelles, de se compromettre pour rien, devait être poussé par un intérêt puissant pour ainsi se lancer dans cette aventure. Avec un homme comme lui, il était plus que probable que dans cette conquête de Riri, si attentivement poursuivie, il devait y avoir autre chose qu'une simple satisfaction d'amour. Mais pouvait-on prendre au vrai sens du mot les paroles du comte? Trop bête de ma part de laisser tout ce trésor, oui, toutes ces richesses au Montreuil. Assurément, le comte de la Guérinière ne devait parler que du trésor de beauté, de la richesse de grâce de Riri. Car de quelle autre richesse, de quel autre trésor pouvait-il être question quand il s'agissait de cette adorable jeune fille dont la mère, dans un taudis, se mourait de misère?